Pourquoi le temps est-il un problème politique? On peut penser que la question du temps est avant tout une question métaphysique. Pourquoi les choses se succèdent-elles? Pourquoi y a-t-il du changement? Comment le mesurons-nous? Et on est toujours surpris de voir le temps arriver dans le domaine politique avec, par exemple, ce célèbre dicton plus ou moins économique, le temps c'est de l'argent, avec la question du temps de travail, avec la question du temps libre, avec aussi la question de l'orientation dans l'histoire, du grand récit, de se situer collectivement dans le temps, de situer une société dans l'histoire. Au fond, le temps est un problème politique, mais on ne comprend pas toujours bien pourquoi. Or, le temps est un problème politique pour deux raisons principales, mais qu'il faut situer au niveau individuel et collectif. Le temps est un problème politique, d'abord, parce que finalement, le temps n'est pas seulement une expérience intérieure, c'est avant tout une façon de se repérer dans l'action et dans le monde, une façon de mesurer l'action humaine et le rapport aux choses et aussi au travail. Et finalement, le temps est une variable de l'action humaine et de sa prévision, de son gouvernement. Et c'est pourquoi finalement le temps nous est compté. Le temps de travail est donc un instrument de mesure, c'est aussi un instrument de pouvoir. Et nous savons bien que le temps est mesuré de ce côté-là politiquement, comme dans toute horloge. Et finalement, d'un autre côté, il y a aussi ce temps très profond, ce temps intime, ce temps créateur, ce temps dont nous ne voulons pas laisser à la politique, mais il est encadré par ce temps spatial, par ce temps mesuré. Et même ce temps de loisir, finalement devient une variable sociale. Il a toujours fait partie du luxe, du privilège, des maîtres par opposition aux esclaves, d'avoir du loisir, d'avoir du temps alors que les autres n'en ont pas. Et finalement, cette revendication d'un temps libre, dans la médecine aussi par exemple, cette revendication d'un temps de partage, même quand on mesure le temps de l'acte médical économiquement, ce qu'il faut bien faire aussi, cet équilibre entre le temps vécu mais gouverné, gouverné par le temps spatial et mesuré, cet équilibre vital est un enjeu politique majeur. Donner du temps aux êtres humains tout en organisant, en partageant le temps social de façon juste, c'est un enjeu absolument fondamental et un enjeu de pouvoir et de liberté, et de création, et de vie humaine. D'un autre côté, au niveau collectif, bien sûr, se situer dans le temps collectif recoupe aussi ces deux dimensions très fondamentales. L'orientation dans le temps commun ne peut pas résulter seulement des urgences du moment, du temps pratique, du temps qui nous presse, même si c'est aujourd'hui aussi le cas et que, par exemple, l'urgence historique, l'urgence des catastrophes, gouverne aussi notre rapport à l'histoire. Mais nous sentons bien que dans le domaine collectif comme dans le domaine individuel, il faut aussi construire le sens de l'expérience historique commune et pas seulement face aux urgences du moment et aux besoins qui pourtant nous donnent aussi des repères pour ne pas tomber dans les illusions factice ou dans des mythologies historiques. Il faut ainsi tenir les deux bouts. Bien sûr, le temps est un problème politique parce qu'il y a des urgences vitales, parce que nous sommes des vivants. Bien sûr aussi, le temps est un problème politique parce que nous devons inventer ensemble notre rapport au temps, parce qu'il y a une justice dans le rapport au temps, parce que le temps est l'élément de nos vies.